Audiomatic. Detroit. Cette transmission 066 d'Audiomatique s'ouvrait avec l'artiste français Laurent Garnier qui nous présentait sa composition Communications from the Lab, parue sur son album Unreasonable Behavior, lancé en 2000. Les électronistes se rendent dans les contrées lointaines à l'intérieur d'obscures galeries pour fouiller, découvrir et rapporter de la musique électronique autrement difficilement accessible. Ils se rendent dans des pays où vécurent d'anciennes civilisations pour constater que les traditions musicales renaissent sans cesse sous différentes formes. D'aussi loin que le Pérou, les électronistes constatent que la musique électronique ne transcende pas seulement les genres, mais devient également objet de métissage culturel. Et c'est dans l'histoire de leur pays, dans la jungle, dans les Andes ou encore dans le désert de la côte et ses villes poussiéreuses que des artistes trouvent leur inspiration pour créer des pièces électroniques empruntant à leur culture propre. Les électronistes vous présentent ce soir une première moitié d'émission dédiée à la scène péruvienne de la musique électronique. C'est d'abord à l'artiste Mickey Gonzalez que revient l'honneur d'entamer la prochaine séquence musicale. Celui-ci réinterprète notamment des pièces traditionnelles péruviennes de différentes régions, utilisant les instruments acoustiques originaux sur fond de musique électronique pour nous offrir des compositions mariant à merveille le moderne et l'ancien. Voici donc son interprétation de la pièce Falsia, un vieux morceau, typique de la région de Georgia, située dans les Andes centrales péruviennes. Thank you. Tamalito de uva, canatalle na casero, camuesa, plátano, sigo, el fruté, llegó el fruté. Compañero, mi tata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. à Audiomatic. C'était la formation Dengue Dengue Dengue, de qui nous entendions la pièce Chakalum, tirée de l'album La Alianza Profana. Cette formation nous offre une musique dub agrémentée par des mélodies aux influences péruviennes. Avant Dengue Dengue Dengue, nous écoutions la formation Animal Chucky, qui nous offrait la pièce-titre de son album Frutero. Il est à noter que cette pièce contient un échantillon vocal du regretté poète afro-péruvien Nicodemus Santa Cruz, à qui les membres d'Animal Chucky rendent hommage par cette composition. Et c'est l'artiste Mickey Gonzalez qui ouvrait la séquence musicale et, par le fait même, ce petit spécial sur la musique électronique du Pérou que vous proposent les électronistes. Donc, de Mickey Gonzalez, nous écoutions la pièce Falsia parue sur l'album Inca Beats et Iske. Poursuivons sans plus attendre avec un autre groupe de la même région, soit Grita Lobos. Voici sa pièce Lamas de Lamas. We'll be right back. sacaron Junior. No sé, en verdad, en realidad yo no sé por qué. Y los revólver, se lo he encontrado debajo de las tiendas de este señor. Y este revólver. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Cette séquence musicale de deux pièces se terminait sur la musique de la formation péruvienne Elegante y la Imperial, qui intègre dans ses programmations synthétiques l'esprit de la cumbia, un style de musique et de danse très populaire en Amérique latine. De l'album El Sonido de las Lobas, paru en 2014, nous entendions la pièce Baticellas. Et avant Elegante y la Imperial, c'était le projet Grita Lobos qui nous offrait sa pièce Lamas de Lamas. On peut trouver celle-ci sur l'album homonyme Grita Lobos, paru en 2012. Après ces séquences musicales consacrées à la musique électronique péruvienne, Audiomatique se poursuit avec un bloc composé d'artistes allemands, à commencer par le duo Mouse on Mars. We'll be right back. Sish, sish, sish. Il s'agissait à Audiomatique du duo allemand Electric Music, formé de nul autre que Karl Bartos, fondateur du groupe légendaire Kraftwerk, et de Lothar Manteuffel, ex-membre du groupe New Wave Rheingold, nous entendions la chanson Crosstalk tirée de leur premier album Esperanto, paru en 1993. Et pour débuter, nous avons entendu le duo allemand Mouse on Mars avec la pièce Frosch, qui est en fait le premier simple extrait de leur premier album Volvaland, sorti en 1994. Nous en sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, et pour souligner cette fin, pour faire un clin d'œil à tout ce qui doit se terminer un jour ou l'autre, pour prendre un temps d'arrêt et prendre pleinement conscience de la précarité et par le fait même de la richesse des choses, des événements et des gens, pour rendre un court mais non moins sincère hommage à un artiste et son œuvre, nous entendrons la pièce de circonstance « Dead Man Walking » de M. David Bowie. Les électronistes espèrent vous rencontrer mercredi prochain dès 17h pour la transmission 067 d'Audiomatique. Notez que cette prochaine transmission sera d'ailleurs l'occasion de vous présenter une entrevue réalisée avec Le Matos et par le fait même de découvrir quelques-unes des compositions et influences de cette formation québécoise. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou afin d'accéder à toutes nos anciennes transmissions. Sachez également que l'émission de la semaine courante est rediffusée les samedis vers 20h. En conclusion de cette transmission 066 d'Audiomatique, voici la chanson « Dead Man Walking » du regretté David Bowie.